Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un voyage à l'autre bout du monde, quelque part sur un petit bout de terre perdu au milieu des vents violents et des vagues déchaînées de l'océan Pacifique, l'île de Pitcairn. Ce territoire de 5 km², c'est d'abord une histoire peuplée par les descendants de marins mutins, ceux du Bounty, une île sur laquelle s'est développée ensuite une micro-société qui vivait en harmonie à l'écart du monde et de ses valeurs mercantiles. La réalité, elle, et c'est son rôle, est beaucoup plus prosaïque et surtout bien plus dramatique. Car dans cette vraie vie, Pitcairn ne ressemble en rien à l'île luxuriante sur laquelle aurait pu débarquer Robinson Crusoe, et non. C'est un rocher taillé à vif au milieu de nulle part, un endroit balayé par une météo dantesque et qui referme une terrible malédiction. Raconter la véritable histoire de cette petite île du Pacifique, c'est se plonger dans un récit en deux temps. D'abord celle des mutins de Bounty, puis celle de leurs descendants directs. Les premiers se sont fait justice eux-mêmes face à un capitaine autocrate et brutal. Les seconds ont transformé leur refuge en espace pédocriminel. Notre invité aujourd'hui, Olivier Goujon, reporter photographe, auteur de plusieurs livres d'enquête. Il est l'un des rares journalistes à s'être rendu à Pitcairn et à vivre avec ses habitants. Ces gens qui peuplent cette terre du bout du monde, il est l'auteur d'un livre sur cette affaire intitulé Pitcairn, les révoltés du Bounty vont disparaître, paru en septembre dernier aux éditions Max Millau. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous appareillons deux jours avant Noël, le 23 décembre 1787. On voit l'attention, pareil à larguer. Allez, allez, on y va. Nous doublons le Cap Horn et Cap sur Tahiti. Nous y prenons l'arbre à pain. De là, nous continuons à travers les Indes-et-Lourdes, doublons le Cap de Bonne-Espérance, cap sur la Jamaïque, puis retour en Angleterre. Nous ferons le tour du globe. Pourquoi risquer de doubler le Cap Horn? Pourquoi? C'est parce que c'est la route la plus courte, monsieur Fryer. C'est la plus courte si l'on ne suit pas une de ces fameuses tempêtes du Cap Horn. Sud-sud-ouest, voilà notre route. Sud-sud-ouest, à vos ordres. Décembre 1787, région de Portsmouth, côte sud de l'Angleterre. C'est ici, au large du petit port de Spithead, dans une zone protégée des vents par l'île de Wight, que le HMS Bounty, un voilier de transport à trois mâts, battant pavillon de la marine royale britannique, a jeté l'ancre depuis plusieurs jours. Ce matin-là, à quelques heures du départ, il règne une grande agitation dans la cabine des officiers. Sur la table, face à la petite dizaine d'hommes réunis en cercle, éclairés par des lampes à huile, on distingue plusieurs cartes de navigation. Premier à prendre la parole et à donner ses directives pour le voyage, le lieutenant William Blight. Marin expérimenté, ancien maître navigateur du grand explorateur James Cook, s'il vous plaît, il a été choisi par l'amirauté et par Sa Majesté, le roi d'Angleterre, pour conduire la mission de Bounty à travers les océans. À tout juste 33 ans, Blight est un meneur d'hommes qui traîne derrière lui, cela dit, une sombre réputation. Dès lors que son navire a levé l'ancre, il devient tyran. Preuve en est, l'équipage, qui le craint pour ses colères, évite de le croiser ou de lui adresser la parole. À la droite de Blight, son second, le maître navigateur John Fryer. Habitué des longues traversées et des tempêtes de l'hémisphère sud, il est conscient que le passage du Cap Horn proposé par Blight est un itinéraire dangereux. Mais cela ne changera rien à la décision de Blight. Afin de respecter les impératifs que lui a fixé l'amirauté, le capitaine doit s'affranchir des règles de prudence et faire naviguer son Bounty dans le sens contraire des vents et des courants au large du Cap Horn. Au même moment, sur le pont principal du navire, dans une sorte de ballet chorégraphié, les 42 hommes d'équipage prennent place à leur poste et gréent les immenses voiles en toile beige du Bounty. En haut du premier mât, tel un funambule, un éclaireur voit une chaloupe à rames qui s'approche. Quelques minutes plus tard, la petite embarcation de bois cogne contre la coque bâbord du Bounty. Immédiatement, les hommes d'équipage lancent des cordes aux marins à bord de l'esquif. Puis, un à un, les hommes de Bounty remontent à bord de larges tonneaux qu'il convient de traiter avec la plus grande précaution, car à l'intérieur, il y a la nourriture fraîche et l'eau potable pour les 6 prochains mois de la traversée. Parmi ceux qui coordonnent la remontée de la cargaison, un jeune homme de 21 ans, Fletcher Christian, qui s'active. Marin aguerri, il est l'un des rares à bénéficier de la confiance des capitaines de Bounty en raison de leur passé commun en mer. Mais si Blight a fait venir Christian, c'est avant tout parce qu'il veut garder un œil sur l'équipage. Un œil aussi sur la cargaison que l'amirauté lui a demandé de récupérer dans le Pacifique, des arbres à pin. Une denrée que le Bounty doit convoyer jusque dans la mer des Caraïbes. L'amirauté m'a donné instruction de prendre la tête d'une expédition qui aurait mission d'apporter des arbres à pin de Tahiti à la Jamaïque. Mais pourquoi des arbres à pin à la Jamaïque ? Pourquoi ? C'est de la pitance pas chère pour les esclaves des plantations, car les bananes deviennent hors de prix de nos jours. Rien de très glorieux, William. Mais c'est que je n'ai pas vos relations, mon cher Fletcher. Je veux me faire un nom avant d'être trop vieux. Mais qu'est-ce qu'il leur faut à ces plantes miracles ? De la lumière, de la chaleur et un peu d'eau. Je les prendrai dans ma cabine, s'il le faut. De petits porcs dans une porcherie, voilà ce que nous serons. Non et non, pas du tout. Ce vaisseau est propre, monsieur Fryer. Je voulais dire que le Bounty est trop petit. Il nous faudrait une frégate et non un pot de chambre. Une frégate d'une part, il faudrait aussi que je sois promu capitaine de frégate. William, un toast. Oui. À notre tour du globe. À notre tour du globe. À notre tour du globe. À notre tour du globe. La première semaine en mer de Bounty est rythmée par la tempête. En cet hiver 1787, des vents violents remontent du golfe de Gascogne et la mer se déchaîne sur la coque du navire. Malgré les précautions prises par l'équipage avant le départ, malgré la structure moderne du Bounty, l'épisode se termine par de la casse et quelques blessés. L'un des hommes d'équipage, par exemple, chute du gréement et manque de finir à la mer. Par chance, il s'écrase sur le pont à 1 mètre à peine de la rambarde. Blessé, sonné, incapable de marcher, le jeune Mousse sait qu'il a frôlé la mort. Oui, car à l'époque, la consigne est claire, en cas de tempête, tout homme qui tombe à la mer et qui ne peut pas être repêché immédiatement doit être sacrifié pour protéger la cargaison. Quoi qu'il en soit, au terme de près de 2 semaines d'une traversée mouvementée, le lieutenant Blight est contraint de faire un premier arrêt imprévu sur l'archipel des Açores au large de l'Afrique, réparé. C'est l'occasion également de refaire des provisions et de reprendre de l'eau. Car la nourriture est une affaire sensible sur un bateau. On ne joue pas avec elle. À l'arrivée aux Açores, dans le port de Tenerife, les réserves qu'ils avaient faites pour plusieurs mois de navigation sont déjà quasiment toutes avariées. L'eau, dont la couleur et l'odeur sont nauséabondes, doit être aérée et mélangée avec du vinaigre pour être bu. C'est dans ce contexte qu'éclate la première grande tension à bord du Bounty entre Blight et le reste de l'équipage. La cause ? La disparition de 2 fromages, comme l'expliquera plus tard l'historien Éric Deschamps. Ce qui se passe, c'est qu'on ouvre des tonneaux pour sortir les fromages, il en manque 2. Blight commence à houspiller tout le monde, à menacer tout le monde, et un des marins dit, mais souvenez-vous, capitaine, vous m'avez demandé de les amener chez vous. Ouais. Donc, apparemment, c'était Blight qui avait envoyé 2 fromages chez lui, ce qui était tout à fait court à l'époque. Afin de ne pas perdre la face vis-à-vis de ses hommes et de leur montrer qu'il est le seul maître à bord, Blight décide de supprimer la ration quotidienne de fromage. Et afin de ne laisser personne inactif pendant l'escale, il intime l'ordre de laver et de relaver le navire de fond en comble. L'équipage proteste contre ce traitement et ses tâches inutiles. Mais Blight ne fait aucune concession. Pire, en voulant à tout prix garder un contrôle sur ses hommes, il cherche à les diviser pour mieux régner. Il nomme par exemple Fletcher Christian à un poste égal à celui du navigateur William Fryer. Christian, mi-ami, mi-espion, est à lui seul les yeux et les oreilles de Blight chez les marins. Car chaque soir, le capitaine du Bounty n'ignore pas que lorsqu'ils ne sont pas de quart, certains membres de l'équipage se retrouvent par petits groupes et échafaudent des plans pour se venger. Après après 3 mois d'une traversée éprouvante. Au début du mois d'avril 1788, le Bounty arrive enfin au niveau du Cap Horn, dans l'hémisphère sud. Et là, c'est la débandade. Venant de l'est, allant vers l'ouest, le navire se retrouve vent debout, c'est-à-dire qu'il fait face aux souffles dominants qui viennent dans l'autre sens. Et le bateau est sérieusement chahuté, quasiment à l'arrêt pendant plusieurs jours. Balayé par la pluie et même une tempête de grêle, l'équipage est mis à rude épreuve. Le capitaine de Bounty finit par se résoudre à faire demi-tour et à passer le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud du continent africain. Si l'épisode du cap se termine par chance, sans trop de casse pour son navire, Blight a usé ses marins. Fletcher Christian, devenu l'envoyé spécial de Blight, alerte son capitaine sur l'état mental de l'équipage et il l'incite à assouplir les règles de vie à bord pour éviter une rébellion. Mais Blight ne veut toujours rien entendre. Deux mois de navigation plus tard, le Bounty arrive au large du Cap de Bonne-Espérance. Il y reste 5 semaines pour se réapprovisionner et établir un nouveau plan de route. Les tensions entre l'équipage et son capitaine sont quotidiennes. John Fryer, le chef de la navigation, est régulièrement désavoué par le patron devant les marins. Lorsque le Bounty repart de Bonne-Espérance, il met le cap à l'est. Pour déterminer sa route avec précision, chaque soir, quand le temps est clair et la météo dégagée, John Fryer monte en haut du mât et observe les étoiles à la lunette. De là, il estime les distances, les trajectoires et le temps qu'il faut encore pour rejoindre Tahiti. Une destination qu'ils atteindront finalement 10 mois après leur départ de Portsmouth. Il n'a pas l'air si méchant que ça? Non, c'est vrai. Pourtant, j'ai vu de ces vagues au Cap Horn, hautes comme 3 ou même 4 maisons. Et une fois, 6 hommes se sont fait emporter par une vague. Augmentez la toile! Relâchez les points d'amure! Alors c'est vrai ce que tu m'as dit sur Tahiti? Tu veux dire les femmes? Oui, c'est vrai qu'elles se promènent sans rien sur elles. Elles ne portent que des tatouages dans des recoins merveilleux. Ouais, juré crache. Le 26 octobre 1788, le Bounty et ses 42 membres d'équipage arrivent enfin à Tahiti. Pour les marins, c'est la fin de l'enfer. Le voyage était terrible. La nourriture et l'eau étaient infectes, au point d'ailleurs qu'elles les rendaient malades. Le scorbut, véritable peste des mers, redouté et craint par tous, commençait à faire planer la mort sur l'équipage. À l'arrivée à Tahiti, Blight fait alors un choix qui va être fatal pour la suite de son aventure. Plutôt que d'occuper ses hommes et les faire naviguer entre les petites îles, il leur laisse quartier libre. Pendant 5 mois, les 42 membres d'équipage du Bounty se mêlent à la population tahitienne et s'intéressent surtout aux femmes du Pacifique. Résultat, lorsqu'au mois de mars 1789, Blight décide de repartir pour aller récupérer la cargaison d'arbres à pain, l'équipage refuse. Comme l'explique l'historien Éric Deschamps, plusieurs marins tentent alors de s'échapper. Il y a eu 3 désertions, ils avaient volé une chaloupe pour partir. Et quelqu'un, on ne sait pas qui, a essayé de couper le cordage d'encre du Bounty pour l'envoyer à terre, pour l'échouer, de façon à ce que le bateau ne puisse pas repartir. Alors, est-ce que ça venait des Tahitiens qui voulaient garder leurs amis anglais? Est-ce que ça venait des Anglais qui voulaient pas repartir? On n'a jamais su exactement le fin mot de l'histoire, mais enfin, c'était assez... Ils ne voulaient pas du tout repartir, personne ne voulait repartir. Rattrapés par d'autres membres de l'équipage, les 3 déserteurs sont ramenés fouettés nus sur le pont principal du bateau, pour l'exemple. Paranoïaque et impulsif, le commandant du Bounty se fâche avec son second, Fletcher Christian, qui lui ne pense qu'à une chose, préparer son propre canot pour quitter cette galère et ce commandant devenu fou. « ce moment précis, seul l'océan est pacifique, parce que sur le bateau, on est plutôt dans une logique de guerre entre l'équipage et son capitaine. Et c'est bien dans ce contexte qu'éclate une mutinerie à laquelle participe Christian. Fletcher, les hommes sont prêts à tout. En clair, tu me demandes de prendre la tête d'une mutinerie ? Si j'étais à ta place, j'en assurerais le commandement, c'est certain. Ne tuer personne, c'est un ordre. Sauf Bligh. J'ai dit personne. Une chaloupée à la dérive. D'accord. Hey, Christian, prends le commandement, t'es avec nous. On s'empare du vaisseau. Monsieur Bligh, réveillez-vous. Monsieur Christian, Monsieur Cole. Monsieur Cole, les commandants arrivent. Nous avons pris le vaisseau. Nous avons pris les commandes. Nous sommes prêts à bord. Vous allez voir les blagues. Faites que descendent dans la chaloupe. Et qu'ils partent à la dérive. Adieu, Bligh. Et bon vent. Larguez les amarres. Sur la quarantaine de membres de l'équipage, ils sont cinq en réalité à orchestrer cette mutinerie au beau milieu de l'océan Pacifique. Les hommes poussent Fletcher Christian à prendre le commandement et passer Bligh aux arrêts. Grâce aux fusils qu'ils ont récupérés à l'armurerie du navire, les mutins se rendent rapidement maîtres du bateau. Le capitaine Bligh, lui, part sur sa chaloupe avec une quinzaine de marins qui lui sont restés fidèles. Abandonnés à leur sort, en plein milieu de l'océan, avec juste un tonneau doué de nourriture, ils vont naviguer à la rame pendant 41 jours, faire plus de 6000 km pour arriver enfin à rejoindre la colonie hollandaise du Timor. À leur retour en Angleterre, ils sont traités en héros. À bord de Monty, Fletcher Christian et ses hommes ne savent pas trop quoi faire. Craignant d'être traduits en cour martiale, une partie des mutins débarque à Tahiti et se cache parmi la population locale. Bounty, lui, repart avec à son bord le noyau dur des 8 derniers mutins et embarque au passage une douzaine d'hommes tahitiens et autant de femmes. L'objectif ? Trouver une île déserte où se mettre à l'abri de la flotte britannique qui risque de venir les chercher. Plusieurs fois, le Bounty tente d'accoster sur des petites îles, mais la population locale refuse de voir débarquer ses marins. Alors c'est par un coup de chance, et à cause des vents qui les poussent dans cette direction, que Fletcher Christian se retrouve finalement en vue de l'île de Pitcairn, sorte de large rocher difficile à accoster, car entouré de falaises. Sur les cartes de l'époque, cette île, découverte par un explorateur britannique quelques années plus tôt, a été mal positionnée. Elle est donc quasiment impossible à retrouver. Décision est prise, Fletcher Christian ordonne à son équipage et aux passagers de monter dans les chaloupes et de rejoindre ce bout de terre avec toutes leurs vivres. Le Bounty, quant à lui, sera coulé un peu plus loin, afin de ne laisser aucun indice. De fait, pendant 20 ans, personne ne saura ce que sont devenus les révoltés de Bounty. Certes, la marine britannique finira par retrouver et par arrêter les mutins qui étaient descendus à Tahiti. Mais malgré des moyens de recherche conséquents, Fletcher Christian et le reste de ses hommes demeurent introuvables. Il faut attendre l'été 1809 pour qu'un bateau de transport battant pavillon américain aperçoive un homme qui fait des grands signes depuis l'une des baies de l'île de Pitcairn. Ramené à bord, l'individu raconte à ses sauveurs la vérité sur ce qui s'est passé. Il serait le dernier survivant des mutinés de Bounty. Et voilà son récit. Alors arrivé sur l'île, 20 ans plus tôt donc, les marins anglais se sont séparés et se sont partagés la terre. Les Tahitiens sont très vite devenus des esclaves. Les hommes travaillaient à la cueillette ou à la pêche. Les femmes étaient à leur disposition pour satisfaire leurs désirs. Mais un jour, l'apparente paix qui règne sur l'îlot vole en éclats lorsque la femme d'un des Anglais se tue en allant chercher des œufs près des rochers. Elle tombe accidentellement à cause d'une vague. Les pouveufs réclament alors de pouvoir récupérer la femme d'un Tahitien en guise de compensation. Une révolte éclate entre les Anglais et les Tahitiens. Fletcher Christian est l'un des premiers à en payer le prix, tué à coups de machette. La suite est une véritable boucherie. Il n'y aura qu'un seul survivant chez les Anglais. C'est sur cette tragédie que l'île Pitcairn referme le plus grand, en tout cas le premier chapitre de son histoire. Affaires sensibles sur France Inter. À 6000 km de la Nouvelle-Zélande et du continent sud-américain, et 2000 de Tahiti, Pitcairn et ses 40 habitants est sans doute l'une des communautés les plus isolées au monde. Un isolement voulu pour échapper à l'époque aux recherches de la marine anglaise, mais qu'aujourd'hui les descendants des mutinés du Bounty souhaiteraient rompre. Depuis 5 ans, le gouvernement de Pitcairn réclame donc à son autorité de tutelle, la Grande-Bretagne, un approfondissement de la petite rade pour faciliter le débarquement, considéré comme l'un des plus sportifs et dangereux du Pacifique Sud. C'est désormais chose faite, grâce à une collaboration franco-britannique pour financer et amener sur l'île depuis Tahiti une équipe polynésienne de spécialistes. Il faut attendre le début des années 60 pour que l'île de Pitcairn, dont tout le monde, à l'exception de quelques pêcheurs, avait fini par oublier l'existence, fasse un retour triomphal sur le devant de la scène, grâce à Hollywood et son cinéma d'aventure. Dans Les Révoltés du Bounty, film réalisé par Lewis Millstone, l'acteur star Marlon Brando endosse le costume de Christian Fletcher et s'affiche en marin intrépide, courageux, héroïque, pour tenter de libérer ses compagnons d'équipage en prise à la cruauté du capitaine William Blight. Le tournage a lieu au Canada. Il nécessite la construction d'une réplique à l'identique du 3 mois Bounty. Dans le film, l'aventure menée par Marlon Brando se termine avec l'installation des marins sur l'île, leur aspiration à vivre en paix et par la création de leur micro-société. Mais il n'est pas question d'évoquer la tragédie qui va s'y dérouler avec les esclaves tahitiens. À Pitcairn, personne ne s'offusque de cette version romancée et tronquée d'une histoire vraie. Et pour cause, personne ne verra le film. À cette époque, il n'y a pas de télé sur l'île. Seuls quelques navires viennent la ravitailler une ou deux fois par mois, et encore, quand la météo le permet. Ce n'est donc qu'au milieu des années 2000, lorsque l'île sera connectée au réseau Internet, que les habitants pourront enfin découvrir le film. Le maire de Pitcairn, Steve Christian, donc lointain descendant de Fletcher, jugera les traits de son aïeul grossiers et peu réalistes. Il est vrai que les outrances et le surjeu de Marlon Brando n'aident pas. Ce que l'on sait, c'est que dans les années 60, au moment où sort en salle les révoltés des Bounty, l'île de Pitcairn est un lieu stratégique pour les navires de pêche américains lors de leur campagne de chasse à la baleine. Elle sert à la fois d'escale pour se ravitailler en vivres et en eau, pour recruter quelques hommes payés à la journée pour travailler sur les bateaux, enfin, et c'est là la partie la plus sombre. Plusieurs marins rapportent qu'en échange d'un peu de nourriture, des jeunes filles de 15 ans sont prêtes à se livrer à des faveurs sexuelles. Une rumeur qui va perdurer quelque temps avant d'être très vite oubliée au profit de l'histoire d'aventure, telle que la raconte par exemple l'écrivain Robert Merle dans son livre « L'île » et qui encore une fois romance et déforme la terrible réalité de Pitcairn. Sur France Culture, l'écrivain Gilles Lapouge décrit lui un petit bout de paradis que les mutins de Bounty ont très vite transformé en enfer. Et on savait qu'ils étaient à Pitcairn, mais Pitcairn, c'est l'île la plus éloignée de tout littoral du monde entier. Et il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc on s'est dit, ben voilà, ils ont vraiment trouvé le paradis, ils ont recréé un paradis en tout cas. Et il y a un équipage qui est arrivé assez longtemps après, et il a vu les survivants, et c'était abominable. Et en particulier, ces gens qui étaient partis pour fabriquer le paradis, ils avaient fabriqué, au fil des années, une société exactement aussi vicieuse, aussi perverse que celle qu'ils avaient quittée. Tout ça pour ça. Par exemple, si vous voulez, le racisme. C'était complètement hors champ pour le paradis, forcément. Eh bien, en l'espace de deux générations, on a trouvé que dans l'île de Pitcairn, les Blancs avaient asservi les Indiens exactement comme c'était au départ. Asservi et parfois tué, d'ailleurs. Tout au long du XXe siècle, la population à Pitcairn n'excède pas quelques dizaines d'individus. Regroupés autour de quelques grandes familles, sortes de chefferies, pour certaines en lignée directe avec les marins du Bounty, la population vit dans une grande promiscuité, un peu à la manière des communautés tahitiennes d'ailleurs. La pêche, la cueillette, l'élevage de poules et la traite des vaches sont le point central de l'activité. La vie sur place est, disons, monotone. La météo, souvent mauvaise, contraint les habitants à rester enfermés chez eux. Cette façon de vivre et ces conditions de vie auraient-elles pu être le facteur déclenchant des dérives sexuelles? Une chose est certaine. Le chef, Pitcairn, c'est le maire de l'île. La police, c'est la communauté. Les vols sont rares pour départager les conflits entre familles. Un conseil réunit les parties concernées afin de trouver un accord à l'amiable et ainsi éviter toute violence. Endogame et patriarcale, la vie sur Pitcairn est régie par des principes et des lois d'un autre temps. En apparence, la vie est tranquille. En apparence seulement. Car un fait divers va venir révéler au grand public la vérité qui se cache derrière les rochers et les maisons de l'îlot. Au printemps 1996, un plaisancier australien se rend dans un commissariat de police de Nouvelle-Zélande. Il explique que lors d'une escale sur l'île Pitcairn, avec son bateau, sa fille de 12 ans aurait été violée par l'un des habitants de l'île. Et il dépose plainte. Malgré l'éloignement géographique, à Londres, l'affaire est prise très au sérieux par le cabinet du ministère des Affaires étrangères. Et pour cause. Malgré son statut autonome, l'île de Pitcairn fait partie du Commonwealth. Tout ce qui se passe sur place, et selon les Britanniques, régie par la loi britannique. Conséquence, la justice anglaise envoie sur place un commissaire et un surintendant de la police de Scotland Yard. Le coupable présumé du viol, père de famille, âgé de 55 ans, est confondu, puis arrêté. Affaire classée donc, mais pas terminée. Car dans leur rapport, les deux officiers britanniques alertent leurs supérieurs sur une série de faits inquiétants. La pratique des relations sexuelles entre adultes et mineurs serait courante. Pire, ils ont pu observer que certaines jeunes filles, âgées d'une quinzaine d'années, sont déjà enceintes pour la deuxième ou la troisième fois, et presque à chaque fois, de pères différents. Problème, bien que les faits soient graves et avérés, sur le plan juridique, la loi et la souveraineté anglaise peuvent-elles s'appliquer sur Pitcairn ? À cette question, l'anthropologue et juriste Louis Assier Andrieux répond sur France Culture. Le problème juridique est costaud, il est même énorme. J'ai insisté sur le fait que le peuplement de l'île était en majorité tahitien. C'était une terra nullius avant que les mutins et leurs associés n'y débarquent. La souveraineté britannique n'est pas évidente. La souveraineté britannique n'est pas évidente, sinon dans la doctrine britannique. Au mois de septembre 2004, après 5 ans d'enquête menée par des policiers britanniques, s'ouvre en Nouvelle-Zélande, puis à Pitcairn, de grands procès des criminels sexuels sur l'île. Les infrastructures ne suffisant pas, le procès est délocalisé à Auckland. Outre-Manche, les tabloïds britanniques consacrent leur une à cet événement et révèlent les détails sordides sur les pratiques sexuelles qui étaient autorisées à Pitcairn. Dès leur puberté, les jeunes filles étaient livrées aux envies et besoins des hommes de l'île. Certaines ont été fécondées par leur propre père, d'autres par un cousin. Au total, 7 hommes parmi la cinquantaine d'habitants de l'île sont convoqués au tribunal d'Auckland pour répondre à l'accusation de crimes sexuels. 6 autres individus qui ne résident plus sur l'île seront par la suite jugés également pour pédocriminalité. Face à la loi du silence en vigueur sur l'île, la police britannique a fait pression sur certaines victimes. Et elle a même offert de l'argent et la possibilité de partir vivre en Australie, en échange bien sûr d'un dépôt de plainte et de leur témoignage devant la cour. Pour France Inter, Stéphanie Scock raconte en direct à Stéphane Paoli les conséquences d'un procès pour l'île. C'est un procès sans précédent qui s'ouvre à Pitcairn aujourd'hui et un procès qui pourrait bien signifier la disparition de cette minuscule communauté de 50 habitants. Il y a quelques années de cela, une résidente révélait la face cachée de l'île, à savoir des pratiques sexuelles jugées inacceptables dans le reste du monde, des sœurs qui partagent le même mari, des filles enceintes dès 15 ans sans compter les viols et même des pratiques pédophiles. Résultat, la couronne britannique a décidé de reprendre en main les affaires de son protectorat et aujourd'hui débute le procès de 7 hommes, tous accusés d'agression sexuelle. On a monté un tribunal de toutes pièces ainsi qu'une prison et 3 juges néo-zélandais ont été dépêchés sur l'île pour l'occasion. Ce qui va choquer l'opinion publique, ce sont les déclarations des accusés lors des audiences. Aucun d'entre eux ne nie les faits qu'ils sont reprochés. Tous en revanche contestent la légalité de l'action judiciaire engagée par les autorités néo-zélandaises avec en coulisses et en sous-main l'aide des Britanniques. De leur côté, les habitants de l'île prennent le parti des accusés et invoquent des lois et coutumes qui leur sont propres. Des règles de vie qui furent créées par les premiers résidents de l'îlot 2 siècles plus tôt, dans un temps où la morale et les lois sur l'inceste n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour leur défense, les accusés affirment que Pitcairn n'est jusqu'à preuve du contraire qu'un territoire souverain jamais revendiqué par la Grande-Bretagne, et que les faits et mœurs qui s'y déroulent ne peuvent être jugés par des personnes extérieures à l'île. En coulisses, certains experts en droit international affirment que par ce procès, d'une ampleur et d'une médiatisation inégalées pour un si petit territoire, eh bien Londres chercherait en réalité, d'une part, à régler une affaire d'inceste qui pourrait lui être reprochée plus tard, mais aussi, et peut-être surtout, à reprendre la main sur l'île. Et donc, en quelque sorte, à prendre sa revanche sur les descendants des mutins de Bounty. Le 24 octobre 2004, tous les accusés, à l'exception d'un seul, sont reconnus coupables de crimes sexuels sur mineurs. En 2013, après 2 ans passés en prison en Nouvelle-Zélande, l'un des condamnés, Sean Christian, lointain descendant de Fletcher Christian lui aussi, condamné pour le viol de 2 enfants sur l'île, dont l'une de ses nièces, sera élu maire de Pitcairn, la plus haute fonction représentative sur l'île. De l'avis de nombreux spécialistes, Pitcairn est à la fois un symbole et un cas d'étude en sciences sociales. Ensuite, par les lois, pratiques et coutumes qui sont contraires au droit international, notamment à la Charte des Nations Unies sur la protection des enfants mineurs, elle est une zone de non-droit où il ne fait pas bon être une femme, surtout jeune. Il n'en reste pas moins que ce petit territoire qui a accueilli les révoltés de Bounty en 1789, puis qui a vu vivre leurs descendants pendant près de 200 ans, reste un endroit où l'histoire, par 2 fois, s'est très mal terminée. Il a suffi que des humains investissent cette terre qui ne demandait rien pour que le paradis se transforme en enfer, à la fois métaphore et réalité de la toxicité de l'espèce soi-disant la plus évoluée de la création. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'histoire de l'île de Pitcairn, dont nous parlons avec notre invité, Olivier Goujon. Bonjour. Bonjour. Journaliste, reporter, photographe. Alors vous êtes l'un des rares, très rares journalistes à s'être rendu à Pitcairn et vous avez pu y séjourner avec ceux qui peuplent cette terre du bout du monde. Vous êtes l'auteur également d'un livre passionnant sur cette affaire intitulé « Pitcairn, les révoltés des Bounty vont disparaître » paru en septembre dernier aux éditions Max Milo. Alors, votre présence est extrêmement précieuse, parce que on a raconté l'histoire d'une île sur laquelle aucune des personnes qui m'entourent là n'a jamais mis les pieds, évidemment. Vous, oui. D'abord, c'était quand et combien de temps? Alors, j'y suis allé en 2012, donc c'était quelques mois après la fin des procès. Et puis j'y ai séjourné quelques semaines, une quinzaine, enfin en fait un peu plus de 2 semaines. Oui. Parce qu'en fait c'est assez compliqué de rejoindre l'endroit et quand on y est, on peut y rester 3 jours, 15 jours ou 2 mois. Ah, parce que vous avez choisi 15 mois. Alors voilà, mais c'est bien, on n'a pas tellement le choix en fait, parce que c'est compliqué, il faut d'abord avoir l'autorisation du conseil de l'île, et puis après il faut réserver Il faut réserver le bateau. Enfin, c'est vraiment, c'est l'un des endroits les plus inaccessibles du monde. C'est-à-dire que même techniquement, si vous voulez, on arrive à Tahiti. Après, il faut prendre un vol pour Mangareva, qui est déjà le bout de la Polynésie, dans au Gambier. Il y a qu'un vol par semaine. Et puis là, on attend le bateau qui arrive de d'Auckland et on prend ce cargo, le Claymore. Et en 3 jours et 3 nuits, on arrive à Pitcairn, qui est effectivement, je crois que c'est la Pouche qui a dit que c'est l'endroit le plus éloigné de toute terre, ben c'est ça quoi en fait. Ouais, c'est une expédition, forcément une expédition, ouais, c'est pas un voyage, c'est une expédition. Qui, en plus ça coûte cher parce que le passage en cargo, les billets d'avion, enfin voilà, ça coûte très cher. Donc moi c'était l'occasion, à l'occasion d'un reportage, à l'époque c'était pour VSD. Voilà, donc effectivement, de fait, et bien alors en plus, après les procès, forcément ils étaient pas très... Oui, l'ambiance devait être tendue. Ouais, voilà, ils aimaient pas beaucoup la presse quoi, ouais. Donc ils étaient pas super... super accueillant. Après, une fois qu'on y est, ils sont vraiment, c'est des gens accueillants. Et puis, comment dire, l'être humain est multiple. Et le même criminel qui s'est rendu coupable de choses atroces peut vous accueillir gentiment, avec cordialité, dans sa maison, et même vous raconter des choses passionnantes de son passé. Comment vivent-ils ? Ils travaillent, mais quand ils ne sont pas au travail, ouais, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils vivent, comment dire, aujourd'hui, Pitcairn, c'est presque un endroit du village global, c'est-à-dire que, mais on y reviendra tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, voilà, on y boit de la bière et du coca, et le soir, on regarde PSGOM si on veut, quoi. Enfin, non, j'exagère. Non, non, mais c'est connecté, c'est connecté. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Hein. Mais ouais. ça n'a pas toujours été comme ça. Bien sûr. C'est même très récent. Jusque le tournant de tout, c'est les affaires. C'est l'affaire, ce qu'ils appellent l'affaire, quoi. Et avant, c'est une île qui vivait relativement en autarcie. Elle s'est développée comme ça, comme elle a été abandonnée par l'Angleterre de fait. Hein, elle s'est développée en autarcie. Donc les cultures, c'était pas compliqué. C'était des fruits, voilà, un peu d'élevage parce qu'il y a plein de cabris, donc. C'est des cabris sauvages qu'on chasse, et puis des cultures vivrières, beaucoup de kiwis, aujourd'hui on fait du miel, enfin voilà. Et puis de temps en temps il y avait un liner, les grands transpacifiques qui s'arrêtaient en rade assez loin, alors les habitants allaient vendre quelques produits de l'île, de l'artisanat, voilà. Mmh. Ça se fait toujours, mais enfin ça c'est... C'est plus folklorique maintenant. Ouais, aujourd'hui, exactement. Voilà, pendant des années, dans les années 60-70, ils ont gagné beaucoup d'argent également avec la philatélie. Hmm. C'est que, aujourd'hui, personne ne collectionne plus les timbres. Enfin, je sais pas, peut-être que. Si, il y en a encore, ouais, des passionnés, mais sont pas. Sûrement, mais moi, quand j'étais enfant, tout le monde avait sa collection de timbres. Enfin, voilà. Et les timbres de Pitcairn, forcément, étaient rares, quoi. Et rares et chers. Alors donc, ils en produisaient, un peu, et puis ils étaient vendus à travers le monde, et les collectionneurs se les arrachaient. Bon, avec l'arrivée d'Internet, la disparition du courrier, ben voilà, ça a périclité, ça aussi. Depuis quelques années, depuis les affaires, mais c'est à la fois voulu par l'Angleterre, et on dira pourquoi, et puis ça témoigne d'une sorte de laisser-aller, mais c'est pour faire vite, hein, de leur part, l'île est complètement sous... j'aime pas ce mot-là, mais j'en ai pas d'autre à l'instant, à Sistana. Enfin, elle est complètement dépendante, si vous voulez, de l'extérieur, donc en l'occurrence de l'Angleterre, et tout arrive par le bateau, le Claymore, et puis. Alors, résumons, on a dit 5 km², c'est ça ? Exact. Combien d'habitants aujourd'hui, au moment où... Alors aujourd'hui, au moment où on se parle, à un ou deux près, disons 47, 45... 45, voilà. C'est pas plus gros qu'une famille. Mais pendant des décennies, ils étaient autour de la cinquantaine. Ils ont été jusque 250, jusque dans les années à la fin du 19e, où nombre d'entre eux sont partis s'installer à Norfolk, au large de... l'Australie, qui était une île beaucoup plus accueillante, où ils pouvaient... Surtout beaucoup plus grande. Un peu plus grande, mais où ils pouvaient se développer voilà, plus en lien avec la civilisation. Alors, donc, ils sont restés une cinquantaine depuis cette date-là, puis ils ont toujours resté une cinquantaine. Et ce sont des gens d'origine européenne, d'autres d'origine tahitienne. Quelle est la... La mixité. Voilà, c'est, j'ai noté deux, trois petites choses que j'aimerais, pas redresser, mais enfin sur lesquelles j'aimerais revenir dans le... Alors vous savez quoi, vous savez, on va écouter Émilie Loiseau, qui nous chante Celle qui vit vers le sud, et juste après, on revient sur les choses sur lesquelles il faut revenir. D'accord. Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle sable sur les frontières, parle de moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre se ride et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe elle tombe. Elle faisait pour moi des nattes si belles, et c'est ainsi que je me rappelle d'elle. Je me demande si elle se souvient de moi, de mon visage, je prie souvent pour ça. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Pitcairn, Olivier Goujon, on va parler maintenant des choses qui fâchent, enfin qui les fâchent, hein, pas nous. Donc les affaires de pédocriminalité, moi qui nous fâche aussi d'ailleurs. Il y a eu deux procès, un procès à Pitcairn, je disais c'était décentralisé, délocalisé à Auckland, en fait, et Pitcairn est Auckland, c'est ça? Alors, c'est ça, et c'est même le coup de génie de Jongleur, parce que le procès s'est déroulé à Pitcairn, le premier procès. D'accord. Et alors après, il y avait aussi des condamnés qui étaient partis, et puis qui étaient en Nouvelle-Zélande, donc il y a eu un procès là aussi, puis il y a eu l'appel. Mais le procès s'est déroulé à Pitcairn, c'était une demande express des accusés et de leurs avocats, et l'Angleterre y a consenti. On a cru que c'était une défaite de l'Angleterre, mais en réalité, c'est un coup de génie, parce que si les procès se déroulent à Pitcairn, même avec des juges néo-zélandais, alors l'île est anglaise. Exactement. Et alors, on va pas dire, j'imagine que la Grande-Bretagne ne tient pas à Pitcairn autant qu'elle pouvait tenir aux îles Falklands, les Malouines, on fera pas une guerre pour les Pitcairn, mais non, quels sont les rapports entre les deux? Alors, entre l'Angleterre et les Pitcairners, éloigné, c'est-à-dire que maintenant, bon, et puis en plus maintenant ils sont fâchés quoi. Forcément. Alors qu'est-ce que ça représente l'île pour l'Angleterre? Alors ça, dans ce sens-là, la question a beaucoup de sens parce que Pitcairn pour l'Angleterre, c'est du prestige, du pouvoir, de l'argent. C'est du prestige parce que diplomatiquement, c'est la seule possession anglaise dans l'océan Pacifique, la seule. Il y en a pas d'autres. De l'argent parce que par exemple, j'en donne plein d'autres dans le livre, mais par exemple à l'heure du Brexit, la possession anglaise de Pitcairn, ça permet des accords commerciaux avec des pays de la région qui seraient impossibles autrement, et d'intégrer des zones économiques avec le Japon, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis du pouvoir, quoi. Comment dire, quand par exemple, quand la France faisait des essais nucléaires, je crois, pas très très loin de là, enfin tout est relatif, hein, y a eu à un moment donné une garnison là, à Pitcairn, qui était, voilà, on est un peu les frères ennemis avec l'Angleterre. Donc voilà, c'est un lieu stratégique aussi, quoi. Voilà, donc c'est un lieu de pouvoir. Donc c'est pour ça que l'Angleterre veut pas abandonner ce territoire. Mais pour le reste, il y a une conception très anglaise du colonialisme. La France a une conception plus messianique du colonialisme, c'est-à-dire que on envahit, on prend tout ce qu'il y a à prendre, comme les autres, mais en plus on assimile. Et puis on se fixe l'objectif de porter une espèce de bonne parole, enfin voilà, d'éduquer les masses, enfin voilà, qui les évangéliser. Exactement, d'un certain sens. Alors que les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques et à la limite moins hypocrites. Enfin voilà. Donc Pitcairn, tant que ça n'avait pas une utilité très très forte, eh ben Pitcairn a été laissé à l'abandon. Par exemple, les Pitcairners ont réclamé pendant des décennies un petit aéroport. Ça coûtait 20 millions de dollars, c'était rien du tout. On leur a toujours refusé. Ça aurait bien désenclavé l'île. Ah bah oui, évidemment. Alors, on est obligé de revenir un peu sur l'histoire, parce que cette île est construite sur le mythe du bounty. Alors, il y avait un survivant lors du massacre, mais il y avait des gamins. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il y a eu une population après. Oui, et c'est pour ça que l'argument selon lequel, j'en profite pour sauter une étape, parce qu'en fait, il restait John Adams, et puis plein d'enfants. Mais c'est pour ça que l'argument qu'a dit le juriste d'acier, que je cite dans le livre, il dit que c'était une île polynésienne. En fait, c'est faux, parce que c'est des Anglais, les enfants étaient Anglais. Comme les Anglais ont pris les terres et les femmes en arrivant, les Polynésiens, eux, n'ont pas fait d'enfants, donc les lignées se sont éteintes. Et ce qui est resté, c'est des enfants de mutins anglais. C'est pas du tout une société polynésienne. Sinon que l'île est située sur la zone géographique de la Polynésie. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont dit, pour se défendre au procès, ils ont dit, nous, on est une société polynésienne, et alors donc on a des mœurs beaucoup plus... C'est deux fois faux. C'est faux parce que y a aucune société polynésienne qui accepte qu'on viole des enfants de 11 ans, parce que il s'agit de ça. Et puis c'est faux du point de vue du mythe également, parce que c'est un mythe, nous, qu'on a construit, comme quand les Occidentaux sont arrivés en Polynésie, ils ont construit ce mythe de la femme polynésienne facile, enfin ces choses-là, parce qu'on vivait nu sur les îles, enfin c'est complètement une construction mentale au service du colonialisme. Ça n'a aucun fondement anthropologique, si vous voulez. Est-ce que le portrait que la légende, le cinéma, la littérature tire du capitaine Blight, qui apparaît comme un type monstrueux quand même, hein, il est fidèle? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est même l'inverse. Le lâche calculateur, c'est Fletcher Christian. Et parce que il se mutine pas. Lui, il suit. Il est en pleurs le jour de la mutinerie. Il veut pas y aller. Enfin. Et l'homme courageux et même le meneur d'hommes, c'est Blight. Ça, on me l'a dit plusieurs fois sur l'île. Enfin, notamment Pirate Paul, avec qui j'ai sympathisé, qui fait la couverture du livre. Blight, c'était un grand capitaine. C'est faux de dire que il torturait ses hommes que pratiquement pour le plaisir, comme le dit le mythe. C'était un grand capitaine qui savait mener ses hommes, mais qui les traitait bien parce que il avait une idée presque capitaliste de son job, c'est-à-dire qu'il était au service d'un instrument commercial, et son objectif, pour servir son objectif commercial, il était obligé de bien traiter ses hommes. Donc on mangeait mangeait bien, on dormait plus sur les bateaux de Blight. Par exemple, vous avez parlé du scorbut, c'est très douteux l'épisode parce que les Anglais savaient soigner le scorbut depuis Cook, et Blight a navigué avec Cook. Donc, et puis en plus, alors, du point de vue de purement maritime, c'est un génie, parce que faire ce qu'il a fait, les marins du monde entier sont en admiration devant. Ben, le voilà réhabilité, ce cher Blight. Merci. Merci pour lui, Olivier Goujon. Ben, merci surtout pour les éclairages que vous nous avez apportés sur cette histoire, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et qui est fascinante, et que j'ai découverte avec, j'espère, autant de plaisir que les auditeurs l'ont découverte. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'île de Pitcairn, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait aujourd'hui Clément Berman.